Bon, ben, je propose qu'on commence la séance. Bienvenue à tous, puis merci à nos intervenants d'avoir accepté d'animer cette séance donc, sur le projet KinSource. Alors, petite présentation en quelques mots, et puis vous me direz si je me trompe complètement. KinSource est une plateforme collaborative de partage de données sur la parenté. Moi, ce que j'ai retenu, des choses importantes que j'ai retenues de la présentation que j'ai pu lire en ligne, c'est que cette plateforme reposait sur un certain nombre de principes qui sont ceux du libre accès aux données elles-mêmes, qui sont ceux de la pérennisation, de la pérennité de ces données, du partage de ces données entre plusieurs utilisateurs dans des communautés de recherche ou d'enseignement. D'ailleurs, j'ai vu que la question des étudiants était importante comme utilisateur potentiel de cette plateforme, celui du contrôle de qualité scientifique et documentaire, et de la mise à disposition d'un certain nombre d'outils d'analyse de ces données sur lesquelles j'imagine vous allez revenir. Alors, juste un petit point de contextualisation sur cette séance. Et je le dis en particulier à destination de nos invités pour que vous compreniez pourquoi nous vous invitons et dans quel cadre exactement. Ce séminaire, c'est un séminaire généraliste sur les humanités numériques qui essaie d'explorer les différentes dimensions qui touchent ou qui concernent les humanités numériques et les structurer en trois types de séances, hein, en trois grandes parties. Il y a des séances de lecture sur des textes fondamentaux que l'on juge comme étant fondamentaux des humanités numériques. Il y a des séances internationales, on va dire, où on invite des chercheurs d'autres pays à venir présenter l'état des humanités numériques dans leurs différents pays, et en particulier en Europe. Et puis, il y a une partie avec des séances que l'on appelle projets, et que dans votre cas, on pourrait appeler dispositif aussi, me semble-t-il, où on invite des porteurs de projets ou de dispositifs qui, à notre sens, relèvent des humanités numériques à venir présenter ce dispositif sous un angle d'analyse particulier sur lequel on insiste. Alors, vous avez toute liberté de parole, et évidemment, c'est à vous de mettre en avant les logiques qui vous intéressent le plus et ce qui vous intéresse le plus à présenter, à mettre en avant dans ce projet. Mais il y a un point qui est important pour nous, c'est la question de l'articulation entre des logiques scientifiques et des logiques qui correspondent, qui répondent à celles des technologies numériques. C'est-à-dire, essayer d'examiner, c'est une interrogation qu'on se repose en fait régulièrement dans ce séminaire, l'articulation entre logiques scientifiques et des logiques techniques, et en particulier celles qui sont propres aux technologies numériques. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on invite des projets ou des dispositifs comme ça à venir se présenter, parfois on n'y arrive pas, mais le plus souvent ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait plusieurs personnes du projet qui viennent présenter le projet ou le dispositif, parce qu'on aime beaucoup le dialogisme et la polyphonie en fait sur la présentation de ces projets, parce que c'est intéressant de voir les éclairages qui sont, j'imagine, ne se recouvrent pas totalement entre les uns et les autres qui participent à une équipe projet. Alors juste pour Piasse, sur ce point, oui. La première fois où ça a vraiment fonctionné, où on s'est dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'était avec le projet eDiaspora, oui. Où il y a cet exemple incroyable de l'ingénieur qui a développé Gephi en parallèle et à partir de ce projet-là. Donc pour l'analyse des données, ils ont créé un outil de visualisation qui a eu un énorme succès, qui a vécu sa vie en même temps qu'un crawler pour le web, et donc il y a vraiment une constellation de projets complètement technique, complètement scientifique, et surtout tout ce qui est entre les deux qui s'est développé. C'est un très bel exemple de dialogue. Ça illustre bien effectivement cette problématique que l'on a ici dans ce séminaire. Donc, je vous présente très rapidement et puis vous compléterez ou vous me démentirez si je me trompe encore une fois. Donc, nos invités sont Pascal Cristofoli, qui est ingénieur de recherche à l'École des études en sciences sociales et spécialiste de l'analyse de données relationnelles. Donc, tu animes un atelier, un séminaire sur le sujet. Sur le sujet, depuis quelques années, enfin, voilà. En méthodologie. Et d'ailleurs, de temps en temps, je renvoie des étudiants de master qui s'adressent à moi, je ne sais pas pourquoi, et je dis, ben non, spécialiste, c'est Pascal, donc je te les renvoie. Et puis, Olivier Kibos, qui est maître de conférence à l'université Paris 10 Nanterre. Alors, il y a tout un truc, maintenant, c'est plus Paris 10 Nanterre. Non, c'est Paris Ouest Nanterre, on s'en fout. Anthropologue. Alors moi j'ai connu Olivier en fait il y a très longtemps, je dis tout le contexte, on s'est connu il y a vraiment très très longtemps, puis on s'est perdu de vue depuis. Et moi quand je t'ai connu, tu étais spécialiste des peuples, je pense que tu l'es toujours. Ouais, ouais. La preuve, puisque tu donnes un cours Lanzo de civilisation sur les peuples. Et par contre, ce que moi, je n'ai pas vu du tout, parce qu'à l'époque, je pense que c'existait pas encore dans ton trajectoire, c'est que tu t'es spécialisé sur la question du traitement informatique des relations de parenté, en fait, avec le développement d'outils, toute une réflexion méthodologique dessus, et que moi, à l'époque, quand on discutait, ça n'existait pas. Non, je crois qu'à l'époque, je n'étais pas encore maître de conf. On est tout juste maître de conf, je ne sais plus. Et je me souviens que tu étais là... C'était normalien, non? Tu étais venu chez nous. C'est Lotman qui t'avait fait venir chez nous, je crois, et qui t'avait un truc comme ça, introduit dans notre circuit. Et à l'époque, tu t'intéressais au système politique à Oussa. C'est ça. Et j'avais fait partie de ton jury de maîtrise de l'époque. Ah, ça, je ne me souvenais pas. Et donc, c'était dans le bureau de avec un effort. Table bavard qui était Guy Nicolas. Absolument. Qui dirigeait mon mémoire. Voilà, donc vous savez tout hein, de notre vie privée. À vous, avec une avoir. Et on va enchaîner juste pour ajouter un élément d'information. La présentation du projet connecte aussi avec une discussion qu'on a avec Pascal depuis, qui est épisodique depuis pas mal de temps, sur la question des relations entre ce type d'outils et la question des publications. De la publication qui est liée ou pas avec ce type d'outil numérique. Et alors, sentez-vous libre d'introduire la problématique ou pas, ce qui nous permet d'avancer dans notre discussion ou pas, c'est à vous de voir. Voilà, maintenant, je vous laisse la parole, je ne veux pas faire comme dit Nicolas, être un homme de bavard. Je pense que Pascal a préparé des choses que moi, je n'ai pas préparées. Donc, c'est essentiellement lui qui va vous présenter la chose. Avec sa permission, je vais juste dire deux mots de contexte. En fait, à l'époque où nous nous sommes croisés à Nanterre, à peu près, hein, coïncidait une réunion qui avait été mise en œuvre par Michael Hausmann, à laquelle avait participé Douglas White, qui était de passage en Europe, des rares fois où il avait accepté de traverser l'Atlantique. Et Doug White était venu avec Michael, animer cet atelier autour de l'analyse des réseaux de parenté. Et Doug White nous avait présenté P-Graph, naturellement. Michael Hausmann travaillait avec lui à l'époque. Ils avaient quelques publications sur des questions qui sont appelées sidedness, qui est une analyse avec les outils développés par Doug White. Et je me souviens très bien que cette réunion, à laquelle avait également participé Laurent Barry, était tout à fait nouvelle dans le paysage intellectuel universitaire. Or, nous étions quelques-uns un peu familiers d'informatique, mais pas très. Et Doug White était venu, c'était une espèce de comète, quoi. Il venait d'ailleurs. Donc du coup, il faut que tu dates. C'est à quel âge, à peu près? Parce que ça nous intéresse. C'est sur le site. C'est sur le site Kintip. Ouais, d'accord. Je pourrais vous le retrouver. Et donc, de ce projet est né le projet Team, porté par Laurent Barry, qui était analyse des matériaux ethnographiques, traitement informatique des matériaux ethnographiques. TIME. Et c'est dans ce projet Team que se sont soudées quelques amitiés qui ont débouché sur le projet TIP, traitement informatique des phénomènes de parenté. Okay. Et les mêmes gars se sont rassemblés. Et là, c'est là que Klaus Amberger a commencé à développer tout seul l'embryon de PUC, le logiciel d'analyse de parenté. Nous utilisons encore. Des réflexions que nous avons menées dans le cadre de ce groupe type sont nées la volonté d'explorer plus avant et de chercher à mettre en place des modules de simulation. Cette histoire de simulation, elle traîne. Ça fait un moment qu'on traîne ça avec nous, quoi. Ça a donné le projet Simulation Parentée, sympa, SIMPA, développé avec Camille Roth, Klaus Amberger, Pascal nous a rejoint à ce moment-là, je crois. Et puis, de là est né le Kinshosis, qui est finalement une espèce de... Oui, c'est un peu l'aboutissement de toute cette cascade de projets, quoi. Ouais. Et c'est un peu toujours les mêmes... Il y a un noyau d'historien et d'anthropologue qui a fait vivre ces projets sur un peu moins de 15 ans. En termes d'institution, il y a un centre de gravité, il n'y en a pas dans le groupe. On se passe le bébé. Ouais. Là, en ce moment, c'est moi qui étais porteur de Kinshosis parce que l'ANR qui finançait ça avait des demandes exorbitantes en termes d'investissement en temps. Il fallait mettre 50% de son temps. Alors pour un maître de conf, 50% de son temps de recherche, ça fait 25%. C'est plus raisonnable. Du coup, c'est moi qui portais le bébé. Mais le coup d'avant, c'était François Héran à l'INED. Le coup encore avant, c'était Michael, le PHE. Ça tourne. Ça tourne. Ouais, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Maintenant, Pascal, c'était l'introduction d'une certaine manière, mais ça me donne une idée aussi de si on va rechercher des liens et ce genre de choses. Je peux parler même. Alors donc ça date, le groupe type et tout ça, ça date de, je crois, de 2005, 2004, quelque chose comme ça. Mais alors la rencontre à Nanterre, elle est de la fin des années 90. Voilà, alors d'accord. Et à la même époque, à la fin des années 90, même durant les années 90, au sein du laboratoire de démographie historique auquel je appartiens, il y a eu un certain nombre de travaux sur les réseaux sociaux qui ont été développés. Donc c'est passé de la démographie historique où... En gros, on travaillait sur des actes d'état civil, mariage, naissance, décès, ils ont calculé la fécondité, ce genre de choses. Et ça, dans les années 70, ça a eu un grand impact, en fait, sur l'histoire de la démographie, des populations, de la démographie historique. Et dans les années 80, il y a eu un changement un peu de paradigme de laboratoire sur les questions de la micro-histoire et sur les questions de réseaux sociaux, et donc l'intérêt pour les acteurs, pour leurs relations, et ce genre de choses. Et donc il y a eu des enquêtes typiquement sur ce que pouvait apporter l'analyse des réseaux sociaux à l'histoire, des travaux de Mauricio Grebaudi notamment sur ces questions-là. Donc dans cette optique-là, avec cette expérience sur les grandes bases de données en histoire, en démographie historique, et avec cette expérience sur les réseaux sociaux, on a été aussi amené à rencontrer Douglas White, qui est aussi un des fervents administrateurs de l'International Social Network Analysis depuis des années. Donc, sur d'autres questions historiques et réseaux sociaux, c'est les connexions de ce point de vue. Et donc, ces connexions ont eu plusieurs points d'impact. Et une des dernières connexions a été justement le travail avec le groupe Kintip sur la rencontre entre historiens et ethnologues et anthropologues sur des questions de parenté. Voilà, donc c'est de là qu'on vais partir rapidement. Donc pour exposer, on va vous présenter le projet Kinshosis. Donc c'est un projet juste avant que tu commences. Donc vous parlez de Douglas Wright que vous connaissez bien, mais nous, je pense que, alors je redis à Olivier ce que j'ai dit à Pascal, c'est que on est un séminaire de non spécialistes, ouais. Donc pour expliquer, contextualiser. Alors qui c'est un anthropologue. Alors Doug Wright est un mathématicien, c'est un élève de Frank Harari, spécialiste théoricien mathématicien. Spécialiste d'analyse des réseaux. D'accord. Harari avait travaillé déjà avec Peter Hag, un anthropologue. Ils ont publié un magnifique livre, Exchange in Oceania. D'accord. Qui est un ouvrage vraiment où les mathématiques sont appliquées. Il y a des modèles d'éducation mathématique qui sont faits des systèmes d'échange océaniens. C'est un truc, un modèle du genre. Et son élève, Doug White, a une formation de mathématiques, mais il s'intéresse aux données anthropologiques. Enfin, ouais, et donc, il a travaillé en Turquie, collabore avec Michael Horsman depuis longtemps. Bon, c'est le pape, il est prof en Californie, à l'université de Irvine. Et il a, disons, il a joué une influence, un rôle majeur dans le développement des outils informatiques et de la modélisation mathématique en anthropologie. D'accord. Voilà, pour dire. Il a un site web qui est imbitable, vous trouverez, c'est un fourre-tout épouvantable, mais il y a des outils, il y a de la littérature, il y a toutes sortes de choses. Voilà. Donc voilà, donc on va vous présenter ici, c'est moi donc, qui fais la présentation, donc j'ai choisi peut-être un axe, et la diachronie fera que Olivier interviendra à différents moments pour préciser les choses, ou abonder certaines présentations. Donc on vous présente le projet. L'idée c'est de présenter à la fois d'où il vient et quels sont les préceptes et les principes qu'on a voulu défendre et produire dans ce projet. Je parlerai un petit peu du logiciel PUG pour expliquer un peu, enfin pour sans rentrer dans les détails. Et ensuite, je présenterai deux principes qui conduisent le projet. D'une part, archiver et publier des données scientifiques. La problématique, archiver et publier des données scientifiques. Et ensuite, une autre problématique qui est une question actuelle, de susciter l'adhésion. C'est-à-dire, c'est de la plateforme que l'on propose, collaborative, elle repose sur les contributeurs. Donc, il faut encore trouver les contributeurs et que les motiver. Donc il y a ces deux étapes. Il y a l'infrastructure, ce qu'on veut lui faire faire, et il y a l'usage et les pratiques des chercheurs. Donc c'est deux niveaux sur lesquels on pourra discuter. Je présenterai rapidement aussi la une première version de la plateforme KeepSource, KeepSource.net, donc j'en parlerai un petit peu. Après, on élargira sur les questions qui vont revenir au cours de la présentation et qui reprennent un peu les choses. Donc, évidemment, c'est une présentation, c'est pas formel, enfin, de mon point de vue, donc vous pouvez à tout moment nous interrompre et poser des questions. C'est pas, voilà, je ne m'offusquerai pas, et c'est au contraire, c'est le but du jeu. Donc voilà, le projet KeepSource, donc c'est un programme ANR. Qui a été l'ANR Corpus, donc typiquement création de données pour la recherche, mise à disposition des données pour la recherche. C'est l'édition de 2012 de cet ANR. Il y avait une douzaine de projets sélectionnés à ce moment-là. Voilà. L'ANR Corpus KeepSource fait appel donc à ce dont on parlait Olivier. C'est la base, c'est le groupe KeepTIP, traitement informatique de la parenté, qui a notamment développé le logiciel d'analyse de la parenté PUG au cours des années. Et il y avait une première version de cette archive KeepSource à l'université de Kent, le projet était dirigé par Michael Fisher. Je crois que cette première version a été décidée au restaurant après un colloque du groupe ici, à Paris. Oui. Voilà. Donc ils en ont parlé au restaurant, et le dimanche soir ils avaient une première version d'une archive de dépôt où un certain nombre de corpus ont déjà été déposés, beaucoup par Douglas White à l'époque, non, qui était une ressource. L'ANR a été constitué sur la collaboration entre quatre laboratoires de recherche, donc le laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative de Nanterre, c'est Olivier, responsable scientifique et coordinateur du projet. Il y a le laboratoire d'anthropologie sociale de l'école, CNRS et du Collège de France, avec notamment Klaus Amberger, qui est responsable scientifique de ce point de vue-là, et Anne Garcia Fernandez, qui nous a rejoint, qui est ingénieure informaticienne et qui s'occupe de la coordination du développement informatique. Le laboratoire démographique et d'histoire sociale, qui fait partie du centre de recherche historique de l'école, et le centre Roland Meunier, à Paris 4, donc qui est aussi un centre d'histoire et d'ethnographie. Donc on a deux laboratoires d'histoire, deux laboratoires d'anthropologie sociale. Voilà. C'est ce qui est un petit. Il y a l'histoire qui est présente dans le projet. On montrera, ça fait quelques différences sur la gestion des données, quelques différences aussi de questionnement, mais qui sont très utiles. Depuis marche, ça fonctionne bien depuis que je suis entré dans le groupe. C'est le regard disciplinaire apporte à chaque fois des modifications dans les logiciels, ça permet de généraliser aussi. Donc voilà, les autres partenaires, donc c'est bien sur l'ANR, le TJIR, Humanum, sur lequel la plateforme est déposée. On a avec l'ANR, on a pu faire appel à des prestataires, donc la société de Vinci, un designer, Aurélie Martial, et puis donc les autres centres de recherche qui, il y a 4 ans, dans les autres ANR, étaient plus porteurs des projets, mais qui sont avec nous. Sur ce projet comme partenaire associé. Donc, la page web du groupe TIP, vous pouvez télécharger le logiciel PUC. Je ne sais pas si depuis 2005, voilà, le groupe TIP rassemble depuis 2005 à Paris, donc c'est le pseudo. Depuis quelques jours, il y a une ligne supplémentaire ici, c'est l'accès au mode d'emploi de la dernière version du logiciel. Tant attendu. Voilà. Après ce groupe TIP, donc il y a entre 2009 et 2012, il y a eu une ANR sciences complexes qui avait pour objet de la simulation des réseaux de parenté et la comparaison avec les réseaux observés en critique. Donc, et là, il y avait notamment des gens du CAMS. Spécialiste des réseaux du CAMS, le CAMS Europe, et un certain nombre de doctorants qui ont travaillé sur ce projet, et des gens de l'INED aussi, sur le côté statistique. Voilà. Donc, on parle du logiciel PUC, c'est un outil pour l'analyse, pour l'utilisation et l'analyse des données de parenté. Alors c'est un outil qui a été créé en 2007 dans la première version par Paul Sandberger, mais après un certain nombre de personnes sont intervenues dessus. Paul continue à diriger le développement avec Christian Lemont de la société de Vinci. C'est un logiciel ouvert et open source. Et un certain nombre d'articles présentent son fonctionnement. Donc, je suis très heureux d'apprendre qu'on a une version du mode d'emploi qui est finalement, vu les concepts qui sont manipulés, est nécessaire pour bien pouvoir travailler avec le logiciel. Je précise qu'il y a des formations au logiciel régulièrement, ici à l'école, fin mai, début juin. Organisé par Paul Sandberger et Anne Garcia-Barlandé. Donc ça fait 2 ou 3 ans et ça continue. Et du coup, c'est un logiciel qui n'est pas destiné à être utilisé seulement par les anthropologues, mais aussi par des historiens, par des démographes. Ouais. Je vais y venir, enfin, ouais. Justement, du coup, sur quoi se base le logiciel? Il se base simplement sur des informations relationnelles, à savoir une liste d'individus et une liste de relations entre ces individus. Ces relations peuvent être des relations de filiation ou des relations d'alliance, de mariage, ou d'autres types de relations qu'on va pouvoir coder de la même manière et interroger de la même manière. Donc ça ressemble, les données en entrée, c'est comme dans les données de généalogie, enfin dans les logiciels de généalogie, ce qu'on va traiter c'est la filiation et les alliances. En étant plus ouvert d'une certaine manière, et ouvert notamment à d'autres types d'analyses que l'analyse de la parenté, l'analyse de réseau, des choses statistiques, et l'analyse de corpus. Dans le logiciel de généalogie, on n'a pas forcément de grandes de grandes analyses prévues. On a quelques tableaux et ce genre de choses. Mais là, on peut, vu les formats ouverts et vu les concepts qui ont été développés, on peut faire des analyses beaucoup plus poussées sur ce type de choses. Donc on a ici, donc ça c'est une fenêtre de bulk où on a la liste, on a un certain nombre d'objets, donc les individus, les familles, et on peut avoir d'autres types de relations. C'est, on ne voit pas très bien. Les informations de nature biographique, oui. Elles sont rentrées dans ce logiciel ou elles sont saisies sur un autre modèle? On peut saisir dans un logiciel. Vous avez un schéma pour décrire les. Il y a un schéma simple, en fait. Il y a un schéma très simple qui est ce que je vous disais, le nécessaire, le strict nécessaire. Après, on peut mettre plein de choses. Le strict nécessaire, c'est des individus avec un numéro et les relations de filiation et d'alliance avec des numéros. Donc, je vais présenter justement le format. On gère les individus, leur filiation, leurs multiples mariages et ce genre de choses. On peut faire la saisie dans le logiciel. On a le module de saisie et de plus en plus. User-friendly, ça commence à être après. Mais, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, mais là, ça commence à être beaucoup plus. J'en ai perdu des données. C'est le problème de ce type de logiciels qui ne sont pas construits au départ pour faciliter l'usage, mais plus pour leur qualité technique et leur qualité d'analyse. Donc, la gestion de l'utilisateur est limitée. Il y a eu un effort de fait sur cette question. Et surtout, le fait, l'avantage de saisir dans le logiciel, c'est de pouvoir, comme de saisir dans un logiciel de généalogie, c'est de pouvoir saisir à la fois individu et famille de manière simultanée, de passer de l'un à l'autre rapidement. Parce qu'on pourrait imaginer. De saisir d'un côté les individus, ensuite les familles et ce genre de choses, mais c'est plus délicat à faire. Alors, ça dépend. On peut récupérer des fichiers, le format ouvert, c'est le format texte, et donc on peut récupérer des fichiers qui existent par ailleurs, et je vais faire entrer dans le logiciel, donc avoir le format. J'y reviendrai, on reposera la question, je fais une présentation générale. On a un format Excel aussi qui correspond à ça, et donc c'est. Un individu correspond à une ligne, ces informations. Les informations sur la famille, sur un couple. Pour un couple, on a les enfants et on peut avoir des informations maintenant sur les mariages. On a changé un peu le modèle de données au début. Justement, ça, c'est une expérience entre anthropologues et historiens. Les anthropologues n'avaient pas forcément besoin d'avoir des informations sur l'union. Par exemple, dans le logiciel, ce n'était pas prévu au départ. Et la question des dates pour les historiens, c'est quelque chose. Un mariage qui précède un autre, ce genre de choses, c'était quelque chose une question qu'on posait plus souvent. Je ne sais pas si. Bon, si vous voulez, on était parti sur une modélisation dans des graphes. Où donc, il y avait possibilité de donner des attributs aux personnes, mais pas d'attributs aux relations. Donc, on pouvait partitionner nos individus en toutes sortes des sous-groupes, des sous-ensembles, autant qu'on voulait, mais les unions, c'était des liens, et donc il n'y avait pas possibilité d'ajouter des qualités à ces liens. Et du coup, on est pour le besoin de la cause, là, c'est-à-dire par exemple pouvoir avoir des dates de mariage, des choses comme ça, des durées de mariage, dates de divorce, de remariage, etc. Il fallait pouvoir donc renseigner les unions, donner des qualités aux unions. Et donc, on est passé à une modélisation avec un autre type de graphes, qui sont des orégraphes doubles. Donc, où deux individus pointent sur une union, et l'union est un objet, et donc susceptible d'être informé. Et c'est tout simplement une relation. Voilà, et ça compliquait évidemment, ça alourdissait le fonctionnement du programme, donc c'est pour ça que Klaus Amberger a longtemps hésité à franchir le pas. Et puis, il a quand même, ils ont trouvé des algorithmes qui étaient suffisamment bons pour traiter ces objets qui avaient gagné en complexité. Toute la question a été beaucoup d'algorithmes de parcours du système de parenté. Nous sont très longs et la vitesse et tout le travail, il est important de tenir compte de la vitesse du calcul pour pouvoir travailler. Et le modèle qui avait été choisi au départ optimisait cette vitesse de calcul. C'est destiné à gérer des très gros ensembles. On peut gérer des très gros ensembles. On a des données de 30 000 personnes. Voilà. 40, ouais, même 100 000, je crois. On a une collègue qui a 100 000. Oui, je ne sais pas comment ça a tourné, ce genre de choses. Voilà. Comment ça fait ? Mais il y a 10 ans, même gérer 500 personnes, enfin 2-3 000 personnes, faire des calculs, c'était déjà complexe en termes d'algorithmique. Donc c'était optimisé pour ça. Cette volonté d'intervenir aussi sur les relations, c'est des choses aussi que les historiens utilisent pour calculer la démographie, ce genre de choses depuis des années, ce travail sur les unions. Et donc, c'était aussi un moment où il y a eu des échanges entre les deux disciplines, si je peux interpréter comme ça. Oui, c'est ça. La plupart des anthropologues qui étaient dans ce groupe-là, que ce soit Michael ou moi ou quelques autres, nous avions des données, on était quelques africanistes, et les données qu'on avait à disposition étaient pratiquement pas datées. Donc cette question de la périodisation, du découpage en séquence, machin, tout ça, ça me dépassait largement. Et c'est une fois qu'ils sont arrivés avec leur, enfin toi et tes prédécesseurs, qu'ils sont arrivés avec leurs données datées, etc., qu'on s'est rendu compte que bon, on était un peu court avec notre dispositif. Donc ça s'est enrichi comme ça. Et ce qui s'est enrichi aussi, donc, c'est de raisonner sur d'autres types de relations que les relations familiales, enfin d'union, pour intervenir sur d'autres types de relations sociales. Et donc dans le modèle, on a maintenant, même si l'exploitation n'est pas aussi complète actuellement dans le logiciel que nous sommes nés pour la famille, mais ça avance, ce genre de choses, on peut enregistrer des données sur, maintenant, les choses sur lesquelles je travaillais depuis longtemps, sur les réseaux, des relations sociales, qui peuvent être les relations de parrainage, la parenté spirituelle, les témoignages de mariage, les testaments, d'autres, des affiliations dans des collectifs, ou ce genre de choses, et essayer de joindre un peu ces dimensions-là. Donc, c'est la connexion aussi avec toutes les études sur les réseaux sociaux, sur les données. C'est ça, c'est le fait d'avoir introduit la relation comme un objet dans lequel il y a un propre. Alors tout n'est pas encore, il y a plein de choses à faire encore, mais c'est le modèle qui permet d'enregistrer les données déjà. Donc d'avoir ce ensemble des données pour. Il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur les données nominatives, des prosopographies, ce genre de choses, où on peut mettre à la fois des carrières, des données sociales, de relations, ce genre de choses. Et la famille, bien sûr, compte dans les programmes de topographie, des dynasties de banquiers. Voilà. Et donc, on a un outil, et c'est à ce titre-là que je compte après revenir vers les historiens pour leur expliquer qu'on a un outil qui permet maintenant non seulement de gérer ces données, mais de les archiver et de les rendre. Voilà, donc par exemple ici, on a pour un individu, on a toutes ces relations de parrainage accessibles dans le logiciel, ou des relations de transaction notariales, ou ce genre de choses qu'on peut mettre à profit. Alors, de quelle manière on peut les mettre à profit ? Ça, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces notations un peu barbares, mais peut-être que Olivier nous en parlera. Mais l'idée grossière du logiciel et des recensements de parenté qu'on peut faire avec le logiciel, c'est de dire, on a un mariage entre deux personnes, ici. Est-ce que dans la parenté, on a un chemin qui conduit de cette personne-là à cette personne-là, autre que le mariage, donc voir si il y a des cycles dans un graphe. C'est simplement la recherche de cycles dans un graphe. Et donc, c'est ce que le logiciel permet d'explorer. Donc, on peut travailler sur la généalogie, est une toile de fond sur laquelle on va pouvoir faire des interrogations et regarder est-ce que ces personnes, de quelle manière ces personnes sont parents. On peut chercher dans le groupe familial, mais aussi dans les groupes alliés et ce genre de choses. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut poursuivre, si vous avez besoin de plus de. Oui, c'est-à-dire, on peut déterminer. On peut réduire la recherche de cycles à des relations de consanguinité, donc aller chercher dans les descendants de la même ancêtre, ou on peut l'élargir à des affins, donc en prenant deux groupes, voire trois ou quatre, et puis on peut déterminer aussi la profondeur à laquelle on fixe l'horizon. Donc, bon, évidemment. Là, ça va décroissant parce que, évidemment, plus on ratisse large, plus il est difficile d'aller profond. Et disons, en gros, maintenant, on peut aller plus profond qu'à 3, on peut monter un peu plus loin. Et puis, voilà. Et puis, là, ici, on a un exemple de liens multiples, de relations multiples qui peuvent venir de conjoints. Il y a plusieurs cycles, plusieurs parcours qui permettent de. Et donc, ce type d'emboîtement est détecté de façon absolument systématique, exhaustive par Puck, qui, dans le cadre de l'horizon qu'on lui a fixé, explore absolument tous les cycles qui peuvent exister, et puis identifie le chemin, donc avec le numéro des individus. Et puis bon, ici c'est fathers, daughters, husbands, donc c'est le mari de la fille, le père du père. Alors moi, en tant qu'historien, j'ai toujours du mal à lire ce fameux seul. Ça me rappelle quelques souvenirs et je n'ose dire mauvais souvenirs. Et donc, un des objets aussi du projet Puck, on en parlera peut-être, c'est tout ce qui est terminologie de parenté, donc d'une certaine manière de. À la place de ces codes, associer les terminologies associées dans les différentes sociétés. C'est en cours de développement. Ouais. C'est un des buts aussi du travail que de interroger les terminologies de parenté sur ces questions. Donc, en gros, pour moi, en tant qu'une des questions que se posaient beaucoup d'historiens, par exemple, s'il y a une relation de parrainage, des fois, le parrain est indiqué comme le cousin ou comme l'oncle, mais pas tout le temps. Et on peut expérimenter, si on a sous réserve d'avoir toute la généalogie, expérimenter donc la relation de parenté vis-à-vis de la relation de parrainage et comprendre sa proportion, ce genre de choses. Désolé, j'ai oublié. Voilà, j'ai une question là-dessus. Par exemple, lorsqu'il y a de multiples relations entre deux individus, il y a des relations qui sont connues des individus, explicites, déclarées, officielles, on va dire. Et puis, il y a des relations qui sont déduites par le logiciel, qui sont reconstruites par le logiciel. Est-ce que dans le logiciel gère la différence entre ces deux types de relations, le fait qu'il y en ait qui soient ou. Alors, on peut s'arranger pour ça, mais là, le logiciel travaille sur les données simples, ouais, sur la reconstitution. Ouais. On ne tient pas compte. Quand on va rentrer des données, on ne va pas mettre cousin. Parce c'est juste qu'il y a des données père-fils, mère-fils, ouais. Fille et alliance. Donc c'est sur cette base-là qu'est fondé le logiciel. Après, on peut très bien coder ce type de les relations cousins qu'on a repérées dans les actes et les interroger du point de vue du parcours du graphe de parenté. Mais là, les données de base, ici, c'est un graphe construit petit à petit à partir des informations. Et la théorie et les pratiques qui vont avec ça sont bien fixées. Ça fait plusieurs décennies que tout le monde a un langage commun, une notation commune. Oui, alors innovation pour le logiciel, pour réussir à traiter les données. Du point de vue de la notation, ça c'est la notation vraiment standard des anthropologues. Il y a une notation qui ne figure pas ici, mais qui avait été, qu'on appelle positionnelle, et c'est Laurent Barry qui l'a développée. qui l'a mise au point. C'est une notation qui donne, qui identifie le sexe des personnes que l'on rencontre quand on décrit le cycle. Et par convention, on commence par monter et puis ensuite on descend. Et donc, il a mis au point cette notation qui est extrêmement économique, mais dont on trouve déjà le prototype, enfin l'idée, on peut dire, chez Pison, le démographe. Petit à petit, ça s'est imposé un peu comme... Donc on y a recours assez facilement, mais il n'y a pas une... Tout le monde ne l'utilise pas. Ça, c'est standard. Et la notation graphique aussi. Voilà. Donc, travailler sur les relations, ça va être de avoir l'opportunité de pouvoir faire la même chose qu'on a fait ici sur le parcours du graphe de parenté, avec, par exemple, une transaction. On observe une transaction entre deux individus, on va pouvoir essayer de voir si ces parents, si ces personnes sont parentes, d'un certain temps, compte tenu des limites qu'on aura données à la parenté. On peut aussi interroger la base généalogique sur le fait de propriété commune des ancêtres, voilà, voir si un mariage a lieu entre des personnes dont les ancêtres étaient du même village, ou ce genre de choses. Donc remonter. Donc ça, c'est des choses qui commencent à être développées, qui permettent en fait de travailler sur les relations sociales et travailler sur les attributs des individus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment lire un graphique comme ça? Les triangles sont des hommes, c'est les ronds sont des femmes. Non, d'accord, okay. La relation de filiation est verticale. La relation de mariage est comme ça. Mais il n'y a pas de. Elle n'est pas orientée, du coup, la relation de filiation. Du haut vers le bas. Les ancêtres sont en haut, les descendants en bas. Oui, bah voilà, donc par défaut. Okay. Voilà. Et puis ce qui est en pointillé, c'est une propriété commune, c'est une relation. C'est un parcours, là c'est pour figurer un parcours de la parenté, c'est de remonter de diverses générations et ce genre de choses. Voilà, donc là c'est le cœur un peu des choses qu'on peut faire avec l'outil. Cet outil a été produit dans les années, la fin des années 2000, et un certain nombre d'idées, ça a été d'interroger, parce qu'on fait un recensement de parenté, donc on est capable de savoir combien il y a de type de relation pourcentage par rapport au nombre de relations totales. Souvent on avait des chiffres bruts avant, sans pouvoir les comparer par rapport à un nombre de cycles tout en fait. Donc là ça a apporté aussi cette quantification et ce rapport à l'ensemble des cycles. Et donc il y a l'idée, et pour expérimenter le logiciel et tout ça, de travailler sur des corpus existants, des résultats qui avaient été publiés dans les années bien avant, et donc de réinterroger ces corpus. Donc, dû ce projet, à tout au long le développement de PUC, à tout au long de son développement, à utiliser les corpus et susciter la création de corpus pour expérimenter, calculer, comparer des sociétés les unes avec les autres, vérifier les résultats ou ce genre de choses. Donc c'est dans cette tradition-là que les corpus qu'on a eu l'idée aussi de faire quelque chose sur les corpus et sur leur exploitation et leur archivage. Ça je vais laisser tomber. Donc l'idée ici c'est d'archiver et on a un certain nombre de corpus, susciter l'apparition de PUC avec les possibilités de calculer tout, va susciter de nouveaux types d'analyse. Donc tous ces corpus-là, on a dans la NR Kingsource, donc l'idée de les rendre publics. Certains étaient publics depuis des années, mais pas sous forme numérique, de données numériques. Et de les rendre accessibles pour le traitement et comparaison. Donc, un des buts du projet, c'est bien sûr de proposer des données ouvertes. Donc fondé sur des outils libres, à la fois le site et les logiciels sur lesquels avec lesquels on travaille, d'analyse, donc WEC, mais aussi un autre logiciel de l'université de Göttingen, c'est le Max Planck Institute de l'IMEG. Donc on a, il y a un certain nombre d'outils qui permettent aussi de travailler sur les données généalogiques et qu'on a associées plus sur la visualisation Kinos. Et qui sont interopérables du coup, ben, c'est le but du truc, c'est de les rendre interopérables ou au moins d'utiliser une partie du code pour développer. L'ANR a refusé de financer le travail sur l'interopérabilité en disant que c'était trop coûteux et trop incertain. Ah ouais, ça ? Ouais, donc ils ont réduit 100 000 euros dans le budget. Ils sont concentrés sur les corpus, plus que sur la mise à disposition de corpus, plus que sur le côté développement analytique et développement. Mais on a quand même un peu besoin de le faire, donc on en fera un peu. Mais ça correspond pour vous à une orientation forte de l'ANR, qui est de dire on est OK pour financer la production de données, on va dire, mais du travail sur des outils, une dimension purement technique. Ce qui peut être identifié comme étant une dimension purement technique d'interopérabilité va être écarté a priori. Est-ce que c'est le ressenti que vous avez ou... bah, c'était l'ANR Corpus. Ah oui, oui, d'accord, parce qu'en plus c'est l'ANR Corpus. C'était peut-être son objet aussi. De 430 000, on est passé à 355. Ça ne fait pas tout à fait 100 000, mais ils en ont quand même enlevé 70 000. Donc il s'agit de publier des données ouvertes, d'assurer leur pérennité, de protéger les auteurs du corpus, donc protéger dans le sens où on signale qui sont les auteurs du corpus. Donc ça suppose de traiter les enjeux du référencement du corpus. C'est une démarche aussi scientifique. On essaie de promouvoir la fiabilité des données, d'avoir des exigences techniques, de promouvoir la reproductibilité des analyses et de la vérification des résultats obtenus. On travaille sur des données numériques, c'est différent. Différent, je voulais mettre de quoi, mais l'idée c'est pas de publier des images, c'est des données, donc des individus, des relations qu'on a codées. Des corpus codés. Voilà, des corpus codés, et pas des documents. Pas des documents. Des documents. Ce sont des données de la recherche, donc en anthropologie, ethnologie, histoire, démographie. On a décidé que ce serait des données généalogiques au sens large, donc les anthropologues ont des corpus généalogiques fermés, où ils ont interrogé tout le monde, et donc on peut avoir l'ensemble du corpus interrogé. L'idée de la plateforme, c'est que ça, on puisse aussi mettre des généalogies patrimoniaires ou des choses de la recherche qui peuvent avoir un intérêt, même si l'exploitation du point de vue des outils sera beaucoup moins pertinente en fait. Mais par exemple pour le corpus historique, ça a la même utilité que de publier des données sur des grandes familles du 19e, même pour l'intérêt de l'historien, pour avoir ces données. Peut-être essayer d'expliciter un peu. Il y a des. Disons, la mémoire généalogique n'est pas du tout symétrique. Et on a beaucoup de sociétés dans lesquelles on a des biais très très forts. En particulier, une mémoire amniatique très très forte. On connaît extrêmement bien l'arrière-grand-père paternel, mais on ne connaît jamais l'arrière-grand-mère maternelle. Et du coup, ces corpus qui sont très biaisés. Ont une valeur, disons, un intérêt limité pour l'analyse dans la mesure où il y a tout un pan, tout un côté qui est insuffisamment renseigné et dont il ne sortira jamais rien. Mais ils ont quand même un intérêt, c'est que d'abord, à titre documentaire, on peut faire joujou avec, on peut avoir une idée de la mémoire telle que telle société touareg avec ses ancêtres. Et puis, c'est là que l'élément pédagogique prend, aussi son importance, c'est que archiver des corpus de cette nature permettent d'accéder à ces corpus pour précisément pour montrer les types de problèmes qu'ils posent, les types de biais, donc être utile dans la formation et dans la transmission. C'est une fonction patrimoniale aussi, c'est ce qu'on a fait valoir auprès de l'ANR, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé et réalisé le corpus avec de l'argent public depuis longtemps, et au départ de leurs auteurs, souvent, il n'y avait pas forcément de conservation organisée, pas d'outils, plus les outils dans lesquels ont été développés ces objets, ces bases de données, les formats. Et donc beaucoup ont été aussi développés dans le cadre de logiciels qui ne sont plus pérennes et dans lesquels il faut qui étaient associés carrément au logiciel des données et donc on a du mal à les faire. Quand tu dis nombreux, vous avez une sorte d'évaluation ou est-ce que c'est très intuitif ou les corpus en perdition là. Les corpus en perdition, on n'a pas une idée vraiment, un regard complet, mais on sait d'expérience, on a quelques expériences assez catastrophiques, ouais, de corpus qui avaient été codés, qui avaient été l'objet d'analyses statistiques il y a 40 ans, ouais, et qui sont totalement perdus. En anthropologie. En histoire. Les 18 générations de bas breton de Martine Ségalen, on a récupéré le backup d'un disque dur, il a tout sauf ça. Ah ouais. Et les fiches papier sont perdues. Oui, c'est si grave. Peut-être. Donc c'est carrément. Ouais. Il n'y a pas de tradition dans les laboratoires. Il y a beaucoup de laboratoires. Sauf les enquêtes qui sont encore vivantes et que les gens continuent. Mais pour les aider, qu'il y ait un départ à la retraite, un départ. En histoire, c'est pareil. En histoire, en démographie, c'est pareil. Alors, l'INED a une politique très ferme, stricte sur l'archivage des données. Et donc, eux, ils ont les corpus. Alors, en principe, ils ont les corpus de leurs chercheurs. Ça doit être les rares, enfin, sinon les seuls. Quoi. Il y a des laboratoires, que ce soit au Collège de France ou à l'école, qui a une période où on fait des analyses informatiques de corpus généalogique, dont pratiquement tout a été perdu. Alors, quand il reste les listings papier, on recode, on ressaisit, mais ce n'est pas toujours le cas. Les archives départementales n'ont pas gardé de traces des travaux des universitaires. Ça n'a pas été le versement n'est pas systématique, c'est sur la bonne volonté des chercheurs. Ou alors d'une institution qui prendrait ça en charge. On a découvert ça avec FARM. Non, mais de toute façon, c'est aussi, c'est pour répondre à une telle problématique aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des thèses sur une communauté en démographie historique pendant toute une période. C'était, je fais une thèse sur une petite communauté, je rentre des données de registre par voie, mariage et ce genre de choses. Et après, ça suffisait pour passer la thèse, mais les données n'ont pas forcément été conservées. Et, voilà. Donc, sauf à ce qu'il y ait des gens qui travaillent dessus expressément, qui les récupèrent, donc qui les réactualisent au fur et à mesure des questions de recherche. Il y a en démographie aussi, en historique, pendant, ça s'est arrêté un peu, tout ce train-là s'est un peu arrêté, et du coup, il n'y a pas eu aussi de sauvegarde au niveau de l'union institutionnelle. Mais après, avec les questions de recherche qui évoluent, si on regarde la revue des années de démographie historique, toutes les questions sur la transmission du patrimoine, sur la parenté spirituelle, ce genre de choses, ces données-là, manifestement, sont intéressantes et serviraient de toile de fond de la généalogie et mariage, démographie, ça servirait de toile de fond pour poursuivre les problématiques actuelles. En fait. Est-ce que c'est lié à... Parce qu'il y a eu, en histoire en tout cas, il y a eu un rejet assez violent à un moment de l'histoire quantitative. Est-ce qu'on peut dire que, en partie, la question, elle se pose par des changements d'orientation méthodologique pour de vrai ? Ce manque de continuité, il est lié à des choix d'options méthodologiques différentes au cours des années récentes ou... Je pense que ça participe, que l'histoire quantitative a été un peu mise de côté, que ça participe de cette perte. Je sais pas, est-ce qu'en anthropo, il y a le même phénomène qu'en histoire ? C'est-à-dire... Il y a très peu de quantitativistes en anthropo, déjà, pratiquement ça n'existe pas. Ce qui existe chez les anthropologues, c'est un attachement viscéral aux données qu'ils ont eux-mêmes produites. Et donc, ça ne sort pas de leur bureau quand ça y entre. Et on a des chercheurs qui, réputés, je veux dire, qui n'ont jamais donné leur carnet. Les données de terrain, c'est tellement personnel que beaucoup d'anthropologues les préservent. Alors, cela dit aussi, il y a un aspect, c'est un travail de publier des données, de les rendre accessibles à quelqu'un d'autre. Quand on travaille soi-même, on s'y reconnaît dans tous les tripatouillages qu'on a fait dans les données, mais dès qu'il s'agit de les rendre accessibles à quelqu'un, c'est du travail en surcroît. Et ce travail en surcroît, il n'est pas forcément valorisé par la communauté scientifique, d'une certaine manière aussi. C'est pas la preuve principale. Critères pour. Ça ne rentre pas dans les publications, pas, donc c'était aussi pour profiter du numérique pour faire changer ces mœurs-là. C'est aussi un des buts du projet. Et ailleurs qu'en France, c'était la même pratique aussi. Les Anglais étaient un peu plus. L'équipe de Kent à Canterbury. On numérisait des données ethnographiques et les ont rendues, les ont diffusées par web. Il y a un certain temps déjà, hein, Mike Fisher et son copain, là, comment il s'appelle ouais, ça me reviendra. Mais c'est pas court. Donc, l'un des projets de Kingsource, c'est aussi la diffusion auprès de la communauté scientifique de ces corpus, donc d'apparaître comme une solution viable et simple pour pérenniser les corpus et devenir un acteur identifié de la communauté. Donc, c'est. Il y a une fonction scientifique, on en a parlé, j'y reviens rapidement, mais c'est reproduire les analyses, approfondir les analyses, comparer les corpus. Une ouverture, donc se servir de la généalogie de la parenté pour accéder à d'autres problématiques de recherche, donc ouverture vers d'autres analyses, d'autres champs de recherche, d'autres problématiques et d'autres données. Donc on a parlé des données de terminologie de la parenté, donc interroger la terminologie de la parenté du point de vue de la structure de la généalogie. Mais aussi l'idée c'est d'associer la spatialisation des données à la généalogie, donc de pouvoir placer sur une carte, placer dans l'espace des phénomènes généalogiques, des phénomènes de parenté, que ce soit pour les anthropologues ou les historiens. Donc c'est deux domaines qu'on veut essayer de traiter dans le cadre du projet. Donc ça peut servir aussi, le fait de conserver ça peut servir de point de départ pour d'autres recherches, donc quelqu'un qui va sur le terrain après quelques années après une première recherche, donc ça ne part pas de rien. Donc comme je disais, interroger la parenté à partir d'autres données et donc jouer sur la cumulativité des informations. Donc ça supposait de créer un dispositif technique au service de cette publication. Donc d'avoir un endroit pour sauvegarder les corpus, donc avoir un dispositif pérenne, sécurisé, et permettant un dépôt individuel. Donc c'est pas l'idée aussi, c'est pas de centraliser l'intervention et la gestion sur les données, c'est que les gens qui veulent collaborer déposent eux-mêmes leur corpus, donc leur proposer tout l'outillage pour gérer leur corpus. Un lieu pour publier les corpus, donc il y a sauvegarde, publication, donc dans ce cas-là, une publication publique au public des données, donc de manière anonymisée ou non, on peut proposer et on peut sélectionner les informations qu'on va publier, sont soumises, alors c'est là aussi où il faut qu'on s'organise, à une validation collective, donc du conseil scientifique de la plateforme, sur lequel on pourra offrir une référence unique à un corpus publié pour pouvoir qu'il soit cité, pour renvoyer les gens. Donc on a aussi prévu, il faudra voir comment ça fonctionne, une question de versionnage des corpus, parce que les gens continuent à travailler sur leur corpus. Et l'idée n'est pas d'attendre forcément que le corpus soit terminé, parce que l'expérience n'est jamais publiée. Donc c'est aussi d'offrir cette question du versionnage qui permet aux gens de publier des choses à différents moments. Donc l'idée, c'est de respecter aussi les règles de diffusion, donc travailler sur des licences libres, gestion donc Creative Commons, les autres qu'on propose, créer des licences que les gens veulent prendre sur leur données. Gérer l'anonymat pour les données sensibles, donc ça pose aussi un certain nombre de questions. Pour les historiens, c'est un peu moins, il y a un peu de créer des barrières mobiles, mais pour les travaux des entreprises, ça pose un certain nombre de questions. Donc au minimum, on peut publier une structure et des chiffres. Et c'est déjà ça, c'est déjà une marque que le corpus existe, m'invite à pour les gens à aller consulter l'auteur et le contributeur. Mais on essaye de. On avait la volonté de ne pas trop détacher la sauvegarde de la publication. Donc la sauvegarde, on dépose le corpus, on peut le gérer à plusieurs, on travaille dessus, mais il n'est pas public, il n'est pas accessible au public. De la publication donc là, au public. Donc on ne voulait pas dissocier ces deux étapes. Et c'est difficile à tenir, donc là on est on essaye de tenir quand même sur ces. Pourquoi c'est difficile à tenir? Parce que les gens, bien sûr, vont peut-être vouloir confier, enfin déposer un corpus, montrer qu'il existe et tout ça, mais pas forcément le publier dans un premier temps. Enfin, après, on va voir à l'usage. Hein, certaines choses qui marchent de cette manière. Et c'est pas évident, même pour soi-même, de se dire, bon, à tel moment je publie ce corpus. Donc là, par exemple, ça peut être à l'occasion de la publication d'un article, ou ce genre de choses qu'on peut essayer de. Justement, il faut bien publier quand même un article avant de rendre les données publiques. Et donc là, ça peut être associé. Donc si, par exemple, imaginez que les revues supposent. On demande maintenant, comme beaucoup en mathématiques, les données sur lesquelles ont été publiées, enfin, qui ont servi à un article. Et donc là, c'est un argument pour se référer à une source. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas dans vos deux domaines. Les revues, elles demandent les données ou pas? Certaines incitations, mais pas forcément. Donc, il dit que la publication d'un corpus scientifique est un travail à part entière, souvent ingrat, donc il faut s'assurer de la qualité du corpus, des remplir les métadonnées, enfin, expliciter. Et donc, l'idée aussi, notre idée, c'est une des questions que vous avez posées quand on était dans la rédaction, la phase de rédaction du projet, c'était de voir s'il y avait déjà des expériences ou la publication d'un corpus a un statut de publication à part entière, ou comment on pourrait rendre de manière plus simple ce statut à la publication d'un corpus. Donc l'idée d'une validation scientifique pour la publication est importante. Et on s'aperçoit aussi que les problématiques, c'est définir quels sont les auteurs d'un corpus. Qui est-ce qui est l'auteur, celui qui a fait l'enquête, celui qui l'a codé, celui qui. Enfin, il y a toute cette question aussi qui peut. La dernière évaluation ARS, mes corpus ont été considérés comme des publications. Donc j'ai eu un indice de publication. publiants, de bons publiants, grâce au corpus. Grâce au corpus. Que tu as publié sur la plateforme ou... Non, même pas. Même pas. Ok. Comment tu... Je ne sais pas comment ils ont fait leur coup, mais j'ai pu mettre... J'ai pu mentionner la constitution de ces corpus dans mon rapport d'activité. Et ça a compté comme public. Parce que je savais que c'était le cas pour les éditions critiques, hein. C'est compté. Mais les corpus, je ne savais pas. Ouais. Je sais que c'est pour les éditions critiques, mais... Ouais. Bon. Mais en fait, il n'y a pas de raison. Enfin, s'ils ont mis les éditions critiques, ils ont mis tous les corpus, en fait. Non, le problème, c'est que de les... Enfin, c'est pas un problème, c'est les enquêtes collectives aussi. Il faut que ça soit quelque part, il faut que ça soit précisé. Ils associent souvent un corpus à une personne, alors que... Comme c'est pas moi qui ai prononcé l'expression édition critique, j'en profite quand même. Mais le bon point de comparaison, ce serait des collations, par exemple. Là, on serait au même niveau. C'est-à-dire vraiment la personne qui lit un manuscrit entier pour voir les 300 différences généralement négligeables avec le texte habituel. Et là, essayer de savoir effectivement comment c'est reconnu. C'est-à-dire, habituellement, ça a le même statut que toutes ces données qu'on garde dans le bureau, à savoir que c'est précieux. Ce serait très compliqué à publier. Ça donne lieu à publication. Et donc, ça n'est pas valorisé tant qu'il n'y a pas eu de publication. Alors que c'est comme ça qu'on ferait des collations automatiques. C'est bien là le point de comparaison, c'est qu'on n'en est pas du tout à ce niveau-là, mais le genre de plateforme pour une vraie base de comparaison de versions de texte, ce serait quelque chose de précieux et cumulatif. Donc, une deuxième chose qui nous préoccupe, donc une fois incité au dépôt, c'est de susciter l'adhésion de nos collègues à cette plateforme et d'inciter les gens à la déposer. Et souvent sur l'idée, tout le monde, personne n'est contre. Mais après, sur la mise dans les faits, c'est toujours plus délicat. Donc on a, dans le projet, on a essayé de prévoir un certain nombre de stratégies pour augmenter les dépôts. Donc l'idée, c'est d'inciter donc, au dépôt individuel des corpus. C'est pas nous, on ne va pas se charger de déposer le corpus de quelqu'un, c'est que cette personne le fasse elle-même, donc il n'y a pas de filtre. L'idée, c'est d'atteindre une masse critique par l'exemple. Donc nous, depuis un certain nombre d'années, le financement de saisie de corpus, je recouvre le corpus, on célèbre, on parlera de certains qui se fascinent. Mais basé sur la qualité des corpus archivés, donc sur la célébrité, sur la diversité des corpus susceptibles d'être intégrés, donc montrer aussi qu'on peut intégrer à la fois des corpus sur une société d'Afrique noire, mais aussi des corpus sur l'Europe européenne, l'histoire. 16e siècle ou ce genre de choses, de montrer un peu la diversité des choses qu'on peut faire et montrer l'utilité et l'apport des outils associés, tout ce qu'on dit là, EPUC et Kimaros qui vont permettre de faire des visualisations automatiques, des choses. Donc montrer en quoi les outils peuvent aussi être utiles. Et donc l'idée, c'est de susciter de nouvelles contributions. Donc de faire un recensement des corpus qui vont être concernés, des corpus existants à sauvegarder, à transformer, des choses qui sont dans les laboratoires, dans les archives de laboratoire, qu'on peut essayer de recenser et ensuite essayer de transformer. Donc on a un petit budget pour essayer de faire ces transformations et lancer des initiatives de codage. Le codage d'un corpus, c'est quelque chose d'assez long et tout ça, donc il faut, on va pas dépenser notre énergie à faire un corpus en particulier. L'idée, c'est plutôt l'impact, c'est plutôt de récupérer des corpus semi-automatisés, pour pouvoir les travailler. Donc, on a l'idée, c'est d'après avoir une diffusion et d'avoir joué sur l'effet boule de neige, donc atteindre une masse critique. À chaque fois qu'on a une contribution. distributeurs qui nous proposent des corpus éligibles. Et donc je me répète un peu là. Et donc, je vous mets aussi sur le site, donc sur le flux RSS, sur le mail d'information, sur le lieu de diffusion. Et j'ai à faire des actions de diffusion du projet, possibilité du projet. Du point de vue des quatre laboratoires qui interviennent, on a des stratégies de corpus, donc pour montrer, faire des clusters régionaux thématiques, donc sur les communautés juives en Europe, pour le centre européen immobilier, l'histoire moderne française, pour l'épographie de la démographie, donc le monde amérindien plutôt au LAS, le Sahel et l'océan Indien plutôt au LAS. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir distinguer des collections donc, sur la plateforme, de pouvoir que les institutions puissent valoriser leur corpus ou les corpus déposés par leurs chercheurs un peu à la manière de donc, pas simplement les institutions, ça peut être de recherche. Donc, pour le LIS, on a un certain nombre de données généalogiques, d'un côté, on est sur la noblesse. On peut croiser avec plein de bases de données qu'on a sur les carrières professionnelles, résidentielles, et sur les questions des réseaux sociaux aussi, sur lesquels on a un certain nombre de choses. Donc, je passe vite sur les choses qu'on peut déjà mobiliser et que j'espère bien pouvoir déposer, dans le cadre du laboratoire. Alors la plateforme, rapidement. Depuis fin novembre, on a une première version de la plateforme, qui est une source.net, qui a été développée dans le cadre de l'ANR par un appel à un prestataire. Donc on a géré des appels d'offres, un prestataire informatique et un prestataire en design. Donc Christian Normand de la société des Barcy, Martial de Control Design. C'est Anne Garcia Fernandez, donc informaticienne OLAS, qui coordonne le développement informatique, avec Klaus Bamberger qui suit aussi qui suit ces choses-là. Olivier aussi sur ces questions-là. Et on a la collaboration de Peter Viter qui travaille avec le logiciel Kinross, qui est un logiciel de visualisation. Et qui a son institution, lui a libéré du temps pour assurer le développement et l'interopérabilité du logiciel avec notre plateforme. Voilà. Donc l'idée, c'est de déposer les corpus, donc de se loger comme contributeur, et donc tout ce que je vous ai dit ici, qui est repris sur le site. Le dépôt d'un corpus, une fois qu'on le dépose, il y a une première analyse de la plateforme utilise un certain nombre de modules du logiciel PUC qui permettent de faire un diagnostic du corpus, donc de sa cohérence interne, de voir s'il n'y a pas des fils qui sont les pères de leur terre, donc ce genre de choses, enfin toute une batterie de tests qui assure la cohérence interne qui va permettre ensuite à tous les outils de fonctionner. S'il n'y a pas cette fonction. Ce n'est donc pas fait pour l'analyse de corpus imaginaire. Alors, ou littéraire ou... Alors, il faut que ça respecte, si on veut utiliser à plein les choses, il faut que ça respecte la généalogie. Mais on pourrait imaginer de travailler sur des citations dans le temps. C'était un article qui cite un autre, ce genre de choses. Donc c'est des cycles descendants, enfin, il n'y a pas de cycle normalement, mais on peut gérer ça comme une généalogie. Tout ce qui est hiérarchie, par exemple. Pour autre chose de plus directement lié quand même à ce que vous faites, des généalogies mythologiques, mythiques, on a des hypothèses multiples, des choses comme ça. Alors c'est le... Les hypothèses multiples, ils n'aiment pas ça. Les machines n'aiment pas ça. Là, le modèle a permis, le changement de modèle dont on parlait tout à l'heure, a permis, par exemple, de travailler sur des non-mariages. Enfin, de supposer des relations, qui ne sont pas des mariages officiels, mais de voir des mariages entre homosexuels ou travailleurs sexuels, de pouvoir prendre en compte tous ces cas-là, d'être plus générique et plus... Donc le fait de travailler, en fait, d'avoir organisé le modèle non plus sur la parenté stricto sensu, mais sur les relations sociales, permet de gérer des choses. En gros, on pourrait même utiliser le logiciel, même si après les unis, on ne pourrait pas faire d'analyse, mais en ayant des données nominatives et simplement des relations, mais pas forcément des relations par exemple. Le but du logiciel, c'est quand même de travailler sur la toile de fond généalogique. C'est comme une carte, en fait. C'est comme si on avait une carte de la France. Là, c'est la généalogie, et on parcourt cette généalogie pour faire avec l'idée de, au maximum, s'affranchir des liens généalogiques, enfin, de pouvoir enrichir ça, de traiter de tous les liens relationnels, tout type de relation. Mais bon. Et du coup, ça suppose un changement de modèle, mais par exemple, les parentés spirituelles, par exemple, ce genre de choses. Voilà, le comité, il y a un comité scientifique pour les plateformes. Avec des gens dont on a parlé, des gens du groupe, des gens qui ont suivi le groupe depuis des années, donc qui participent à nos réunions et aux travaux. Mais la face immergée de l'iceberg, il y a toujours tous mes collègues qui participent. J'ai noté un peu ce qu'on a noté sur le site actuellement, sur le rôle du comité scientifique. Donc, composé d'experts internationaux en anthropologie, histoire et réseaux sociaux, il a pour fonction de valider la publication des corpus de données, en vérifiant notamment si les corpus soumis pour publication sont cohérents, s'ils satisfont aux critères de la recherche scientifique, notamment de précision et de documentation suffisante, et s'ils respectent les lois en vigueur concernant la vie privée. Donc, d'une certaine manière, c'est des choses... assez limité qu'on demande, et c'est à dessein pour pas bloquer les communications, mais s'assurer simplement que les choses soient claires du point de vue des propriétés des auteurs et ce genre de choses. Un des premiers corpus qu'on a eu sur lequel on a eu à discuter, c'était un premier exemple, et ça peut lever, on ne savait pas qui était le codeur, qui était l'auteur réel du corpus, ce genre de choses. Oui, et puis c'était un prof, et puis il était question de la participation d'une étudiante, alors on se demandait si l'étudiante du prof était juste une petite main, ou si c'est elle qui avait fait la part du boulot, et il y a eu un échange de correspondance assez nourri. Jusqu'à, le type était honnête, il a répondu à toutes les questions, mais il a fallu quand même un peu lui tirer les verres du nez pour savoir quel était le statut de l'autre personne. Finalement, il y en a une qu'on a mis comme co-auteur, avec. Enfin, on est arrivé à mettre tout le monde d'accord, mais ça a été. Ça n'est pas allé tout seul. Donc, ça, c'est un travail. Peut prendre du temps, et donc on ne mesure pas encore, là c'est un modèle du cinéma. Oui, on débute. Hein. On débute. Donc là, il y a un point qui est assez important sur le type, c'est que tu as introduit la question de la prise en compte de la publication de corpus comme une publication, qui est liée à la question de la validation. Évidemment, la validation d'une publication sans article, livre, n'est pas de même niveau que la validation par un comité scientifique d'un corpus ici, puisqu'en fait c'est une vérification, une validation formelle et externe, et pas une validation interne au corpus lui-même, si je comprends bien. Je ne sais pas ce que ça voudrait dire justement. Il est bien formé, Il est bien formé, ouais, il est documenté. Ça, c'est la plateforme le dit. Sur dit qu'il est bien fondé, formé. Sur le bien fondé de son existence. C'est pas, on se prononce pas. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Et donc, du coup, c'est pas le même type de validation. Donc, du coup, on comprend que ça puisse pas avoir la même valeur en termes de reconnaissance qu'une publication du type article dans un brevet comme il y a lecture. Je vais noter cette formule. Voilà. Non, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une validation plus profonde? C'est ma question. C'est une question. Ouais. Bah, disons que ça a été, on a évoqué cette possibilité. Ouais. C'est-à-dire que c'est sûr que plus la validation est forte, plus on s'approche d'une publication, ouais, c'est ça. Et plus c'est incitatif, quelque part. C'est-à-dire que le chercheur est encouragé, sachant que ça vaut une publication, en effet. Mais là, dans un premier temps, on n'a pas encore exploré toutes les. Enfin, fixé exactement les limites. Donc, c'est vrai qu'une des idées qu'on avait émises, c'était cette validation plus sous la forme de revue, et on avait évoqué, mais pour l'instant, c'est limité à ça. Mais évidemment, peut-être que c'est. Mais ça suppose d'autres forces et d'autres façons de fonctionner. Un truc qui m'a surpris avec les projets ANR, c'est qu'il n'y a pas d'expertise à la fin du projet. C'est-à-dire quand on livre un corpus d'ANR, en fait, l'ANR n'évalue pas. Ce qui est complètement, à mon avis, problématique, parce que du coup, je pense que je comprends très bien que c'est les chercheurs qui n'ont pas voulu que ça soit le cas. Mais dès lors que le projet a été financé, il me semblerait relativement logique de l'évaluer, en particulier pour qualifier le résultat. Je pense qu'il y a une validation comptable. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas que comptable. C'est complètement délirant. Ouais. C'est bizarre. La rigueur, on récupère le rôle de carte, même si on n'a pas fait le boulot, à la limite, si on justifie l'utilisation de la. Non, ça suffit. Il y a des livrables quand même. Bien sûr. Mais les livrables en même temps, c'est des rapports intermédiaires. Et c'est pas vraiment. C'est, bah, en tout cas, pour l'ANR sur laquelle j'ai participé, qui était des premières, alors peut-être que les contrats ont changé entre temps. Mais j'étais surpris. L'exigence d'évaluation fait défaut en fait à ce moment-là. Alors que partout ailleurs, on nous assassine d'évaluation. On pourra revenir sur cette question peut-être enfin, le développement par une société spécialisée en informatique libre, donc le développement des outils libres, sans mode ouvert. Et donc l'idée aussi c'est donc un certain nombre de gérer un certain nombre de modules techniques, métiers, de communication, d'associer ça à cette plateforme. Donc c'est la version 1 en novembre, il y a une prochaine version à la fin de mars, normalement, améliorée. On a un peu précipité la mise en ligne du site, parce qu'on avait un collègue qui allait prononcer une conférence à l'Association américaine des anthropologues, et donc... faire coïncider les deux événements nous paraissait une bonne chose. Et du coup, on n'a pu faire qu'une ébauche, en fait, de site. Donc le développeur a revu sa copie et d'ici mars, ça sera, fin février, depuis mars, ça sera mis en ligne. Voilà, donc les fonctionnalités du site, c'est la soumission de corpus, c'est les téléverser en corpus, le renseigner, autoriser le mise en ligne. La procédure de validation des soumissions, automatique, dès qu'on dépose qu'on télécharge un document, on a une cohérence du corpus qui est analysée. Et c'est un retour vers le contributeur s'il y a des problèmes. Donc c'est aussi une fonction de correction du corpus. Hein, après, donc, on a parlé de validation scientifique avant la publication du corpus. Des fonctionnalités d'export des données, donc on peut se servir aussi du site, mais aussi du logiciel PUC, comme un échangeur entre différents formats. On a les formats JetCom, les formats texte, et d'autres types de formats, pas de choses. Les fonctionnalités de gestion des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, des droits, administrateurs, membres du conseil scientifique, ce genre de choses. Donc un individu qui, un contributeur, voit son corpus et les corpus qui ont été partagés avec lui. Donc ça permet aussi de travailler en manière collective sur un corpus qui n'est pas encore publié. La fonctionnalité de collection de corpus. Et aussi, donc, tout est un des principales fonctionnalités et l'usage de la plateforme, ça va être la recherche multicritère, donc parmi les métadonnées du corpus, parmi les données aussi, à l'intérieur des données, donc, parmi les statistiques sur les données, et tout ça en utilisant les recherches les fonctions préexistantes de POC et KIOS. La navigation dans les corpus, donc selon différentes vues, en partant des individus, des collections, un fil d'actualité, et une aide aux utilisateurs, donc au forum, et après on mettre un soin sans forcément jouer tout là-dessus, mais mettre un soin au design, à l'aspect visuel. Voilà, c'est une dimension. L'idée c'est aussi de faire un site multilingue, donc ça pour débuter en anglais, au moins développer en français, en espagnol, pour la première fois. Assurer l'interopérabilité avec les outils, mais aussi avec des métadonnées, avec les formats de référence actuels, ce genre de choses. Et la validité, c'est une demande. Un soin particulier a été mis aussi, c'était dans le contrat du prestataire, à la sécurité. Donc c'est sur un site sécurisé, HTTPS. Un certificat pour demander par défaut via CMRS, comment ça fonctionne, donc parce que les données, certaines données sont sensibles quand même, ce sont des données individuelles, des communautés actuelles, donc ça aussi ça pose des questions, même si on publie une structure d'une généalogie d'une communauté actuelle, est-ce qu'on n'est pas capable de. Des gens qui connaissent bien ne sont pas capables de reconstituer. Ça pose des. Alors, une présentation, c'est un peu. Donc, les métadonnées, les corpus, on a des choses sur qui il faut citer, quelles références on peut citer pour les choses qui ont été publiées des années. Travail, les aspects géographiques, les aspects différencier l'auteur du codeur, enfin, on a un certain nombre de choses qu'on essaie de bien sûr. Et après, on a, dès qu'on a un fichier et téléchargé, on peut calculer automatiquement. La plateforme calcule automatiquement un certain nombre de statistiques sur ce corpus, nombre d'individus, en termes du nom, en termes de descendants, enfin de. Génération en termes de composantes. Donc les composantes, c'est est-ce que le corpus est séparé en plusieurs morceaux ou pas. Est-ce qu'on a déjà une composante en théorie des graphes, c'est est-ce que dans un même ensemble, un individu peut joindre tous les individus du groupe, ou alors est-ce qu'il y a plusieurs groupes. Donc typiquement, est-ce qu'on a des généalogie patrilinéaire déconnectée, ou est-ce qu'on a un ensemble connecté où il y a une seule composante. Donc c'est un. Je précise aussi que les logiciels, on n'en a pas parlé, mais dans le logiciel PEC, il y a tout un aspect justement sur voir, pour analyser les biais des corpus, savoir ce que disait tout à l'heure Olivier, sur est-ce qu'il y a plus de gens hypothermiques, ce genre de choses, le nombre d'hommes, de femmes, donc comparer à différentes générations. Ça, c'était l'article que j'ai dans ma rue de Michael Gasperoni. Donc, les formats, on a un format, comme je vous le présentais rapidement, j'ai repris sur le site, mais on va prendre après dans le manuel, du coup. On a un format tout simple, où on a, donc il faut voir ça comme une table, hein, une feuille de données. On a un numéro d'individu, le nom, c'est des informations de base. Hein. Individu, le nom, son sexe, et puis après des informations qui qualifient l'individu, donc qui le qualifient de manière unique dans ce cas-là. Et ensuite, un second ensemble, une seconde table dans laquelle on a un numéro de famille ici, et puis un numéro de famille, marié, ou même pas marié, le père, la mère, et les numéros des enfants séparés par les points d'âge. Donc rien qu'avec cette information-là, on peut entrer dans le logiciel et faire tous les calculs possibles sur la recherche des sites, ce genre de choses. Ensuite, on a les relations qu'on peut laisser, donc, par exemple, les baptêmes, telle personne avec ses parrains, les marraines, qui sont listés, par exemple. Ou alors, souvent, en analyse de réseau, on travaille sur les réseaux, les réseaux de conseil d'administration, Et donc là, on peut avoir un individu et puis les membres d'une entreprise, d'une famille, d'un village. Enfin, on peut imaginer tout un tas de modèles de gestion. Donc on peut gérer l'affiliation à une catégorie. Et pareil pour une génération. Donc là, voilà, c'est un modèle général d'informations qu'on peut rentrer, qui peuvent être rentrées sur par exemple, fichier texte ou le fichier Excel avec plusieurs feuilles. Voilà. On a un autre format pour les données de parenté, ça va être de lister les individus, leur père et leur mère et leur épouse, et de lister les informations sur les individus. En fonction des fichiers dont on hérite, la façon dont ils sont organisés, l'un ou l'autre des formats sera plus facile à mettre en œuvre, enfin à utiliser. Mais bien sûr, ça peut, le logiciel PUC et la plateforme peut lire des fichiers GEDCOM, donc issus des logiciels de généalogie classique, et les fichiers de type. Alors, format GEDCOM, si on regarde dans le détail, c'est organisé de cette manière-là. C'est le format qui a été mis au point par la communauté des Mormons. Coder toutes leurs données généalogiques. Donc c'est devenu le standard chez les généalogistes. Tous les logiciels de la généalogie utilisent quelque chose à peu près. Oui, c'est un standard, mais selon le logiciel, il y a des variantes. Et en France, il y a une application qui est beaucoup utilisée par les généalogistes, qui avait été développée par l'INRIA, qui est un format propre. Par l'INRIA. GeneWeb, pardon. GeneWeb, ouais, je crois. Non. Et du coup, vous récupérez les formats. Mais normalement, GeneWeb, il doit faire des exports GEDCOM aussi, non? Ouais, mais je ne sais pas si. Je crois qu'il y a des petits. Oui. Il y a un problème d'expression. Là, on a fait les formats génériques et éventuellement, après, ce qui se passe, c'est dès qu'il y a un nouveau format GEDCOM issu dans le logiciel, on regarde s'il y a des différences et on essaie d'intégrer ces différences. Dans le Scientific Board, là, on a quand même prévu que en cas de problème d'âme, c'est ça, non, il n'y a rien. Oui, mais j'ai dû dire autre chose, je crois. Dans le comité scientifique, il est prévu que il y ait un interlocuteur pour les gens qui rencontrent un problème de format. C'est-à-dire que soit qu'on enrichisse le logiciel pour qu'ils soient capables de lire le format de la personne, soit qu'on donne des instructions claires sur les transformations à faire. Donc, il y a quelqu'un qui sera chargé de ce. Voilà. Mais surtout, dialogue. Donc, l'idée à terme, l'idée aussi, c'est du travail et de la conservation, ça va être d'utiliser un format. C'est le format XML. Donc, de coder les données sous un format XML, donc qui contiennent à la fois les informations et la nature des informations, donc qui est lisible par n'importe. C'est un format textuel, mais on a à la fois la structure des données et les données elles-mêmes. Donc, c'est des formats qui peuvent être assez lourds, mais qu'après, un informaticien, s'il y a toujours plus de logiciel, un informaticien est capable de créer des routines pour extraire les données, exporter d'autres formats. Parce que là, dans la plateforme, le format de base, c'est une base de données relationnelle, en fait. Je crois non. Les données sont-elles structurées? Je ne sais pas exactement, il faudrait que je redemande, mais je pense que c'est plutôt. C'est plutôt tiré vers le XML, alors je ne sais pas de quelle manière, mais l'idée c'était de faire ça de manière native. Alors peut-être qu'après pour l'interrogation, je me trompe peut-être. Je sais que la solution que préconisait le développeur était une solution assez innovante, qui essayait d'utiliser le logiciel Terracotta. Et qui nous a mis dans les difficultés. Toujours se méfier des solutions innovantes. Ça, c'est non, en fait, c'était un logiciel Terracotta qui est très utilisé maintenant dans le cadre des big data, qui est très rapide et donc qui était libre et ouvert et jusqu'au mois de juin. Et en fait, ce logiciel-là, il est toujours libre et ouvert, mais il y a une entreprise qui l'a racheté et d'après ce qu'on a compris, c'est maintenant tous les développements qui vont être faits sur cet outil-là, Terracotta, ne seront plus libres. Donc la base est libre, mais en fait tout est. Donc c'était pas plus du coup dans l'optique. Donc il a fait autrement. Ça a ralenti un peu. Vous savez pas du coup si ils ont quel. C'est du coup quel autre système il a utilisé, si c'est Adobe. Non, je ne sais pas. Du coup on n'en a pas rediscuté, mais. Bon, je crois qu'il a dû il est quand même parti de Terracotta, mais d'une version antérieure qui était plus. Qui n'était pas sous licence. Et il a dû faire une partie du développement lui-même. Ouais. Donc, ça sera open source. Donc. Tout le truc sera quand même malgré tout open source. Donc, normalement, quiconque pourra récupérer cette partie-là. Mais, je ne peux pas vous dire en détail. Ça veut dire qu'a priori, les données ne seraient pas stockées en XML et qu'en fait, ce serait. Dans l'application, par contre, elle générerait du XML par la suite. C'est ça. Il y avait déjà de bons convertisseurs ou pas ? Ça fait partie des bénéfices aussi du projet ? Déjà, dans le logiciel PUC, ça a servi de convertisseur pendant quelques années. Donc et comme le logiciel PUC a été développé en Java, l'application ici aussi en Java, donc les deux applications se profitent l'une à l'autre. Donc là, la fiche, j'ai remonté les choses, et c'est pas le visuel qu'on aura au mois de mars. Hein. On a beaucoup de choses concernant les projets qui ont changé, mais on a une fiche avec les métadonnées et les statistiques qui sont calculées. Pour un corpus donné, on peut lister les corpus. En gros, ce qui est susceptible d'intéresser les gens de la communauté scientifique, c'est on a mis un certain nombre d'exemples, bien chercher tous les corpus qui sont supérieurs à 10 000 personnes, tous les corpus où il y a un minimum générationnel de trois générations. Enfin, faire des recherches sur les statistiques dans le site et avoir les corpus qui sortent. En principe, on peut demander d'extraire tous les corpus amazoniens dans lesquels on a 20% de mariage avec la fille de l'oncle maternel. Normalement, ça rentre. D'accord, donc si je comprends bien, une des fonctionnalités principales de la plateforme, c'est pas tellement d'explorer un corpus que de pouvoir faire sortir des ressemblances ou des différences et des oppositions entre des corpus. Ouais. Mais si on n'a pas le droit d'accéder à tous les corpus, ça dépend des droits. C'est les corpus publics. Oui, d'accord. La structure des corpus publics. Donc ça veut dire qu'un des critères de réussite essentiels de votre projet, ça va être que la plateforme soit suffisamment nourrie. Ouais. C'est un gros risque. C'est ça. Il faut que ça soit suffisamment attractif pour que les gens aillent mettre leur truc. Ouais, on va faire des comparaisons. Ouais. Alors pour les historiens, c'est différent puisque on aura aussi, enfin différent, ça participe, mais on est peut-être moins intéressé pour le nombre de mariages, comme tu disais là. Mais, ça peut être aussi simplement pour visualiser les généalogies, donc poser la question si j'ai un nom d'individu, est-ce que j'ai une généalogie, est-ce que j'ai des gens de sa famille, ce genre de choses. C'est pas développé pour l'instant, mais c'est le but aussi. Je crois que dans la généalogie grand public, il y a des suggestions automatiques de fusion d'arbres. Alors ça, c'est un problème pas réglé. Ça suppose du travail. Je le vois parce que là, on est en train de faire justement de la saisie de corpus généalogique sur les données de Robert Dissimon, sur la noblesse au XVIe, au XVIIe siècle, ce genre de choses. Donc on a plusieurs, échantillons de données, et c'est, en fait, ce sont des familles qui sont très connectées. Mais c'est tout un travail de faire la connexion. Et pour l'instant, on ne propose rien de ce point de vue-là. Ça pourrait être un des projets, ça aurait pu être un des projets, des outils qu'on aurait pu développer aussi utiles et que rien ne permet pas forcément de mettre en chantier. Ce genre de choses. C'est une question. C'est vraiment compliqué parce que, par exemple, moi, je travaille en collaboration avec une famille qui a ses généalogistes patentés et qui me produisent plusieurs versions. Hein. Ils me produisent des versions différentes avec des numéros différents. Et pour faire la synthèse de tout ça, c'est un vrai casse-tête. C'est épouvantable. Et on a, de ce point de vue, l'outil n'aide pas. Pas encore. C'est une problématique des historiens depuis longtemps et ça influe sur les analyses. En analyse de réseau, on peut indiquer si on a un individu ou si on a deux noms qui considèrent qui sont sur le même individu, si c'est des homonymes ou si c'est. Donc, c'est un des chantiers qu'on pourrait, sur lesquels on pourrait travailler, mais pour faire au moins des propositions. Ça fait peut-être moins dans la plateforme que dans le logiciel dans un premier temps. Parce qu'en en fait, après, il y a la question de l'expertise qui va faire ses rapprochements. Voilà, j'ai fini. On peut trier selon les statistiques. Donc, quelques questions que j'ai listées comme ça, mais on en a abordé un certain nombre. Qu'est-ce que la publication d'un corpus ? Est-ce qu'on peut lui donner le même statut qu'une publication Donc, à quelles conditions et est-ce qu'il y a des expériences qui existent aussi? Moi, je viens de vous poser un peu une question à votre assemblée sur ce type de choses qu'on vous a présentées. Est-ce qu'il y a des choses analogues ou on a essayé d'explorer un peu, mais il y a peut-être des choses qui sont apparues depuis. La question de l'auteur, codeur, contributeur. Ça pose la question de qui fait quoi dans la recherche. Hein. C'est la question des droits, qui sont les données, quel est l'intérêt qu'on a à partager ces données. La question lancinante entre le dépôt et la publication. Que sont les données scientifiques en fait. C'est une autre question aussi qui va devenir primordiale dans les prochains mois, ça va être comment motiver les dépôts. Donc c'est quelque chose que je sais pas. Sur le dernier point, est-ce que les institutions partenaires sont prêtes à demander systématiquement maintenant aux gens qui font des mémoires, des thèses, des projets financés de l'ensemble? On n'a pas discuté de ça avec les institutions. Exactement. Ça reste le noyau de chercheurs. Bon, l'idée qu'il y ait des collections, et tout ça, c'était s'entrer dans cette optique-là, mais sans. L'idée, nous, c'était de susciter des contributeurs volontaires. Mais après, ça se pose une autre question. Je ne sais pas. Ça dépend des labos, hein, aussi. Parce que, par exemple, le credo, là. Laboratoire de l'école à Marseille là, sur les mondes océaniens. Ils ont développé, Laurent Doucet a développé une application, la OTSAS, qui est vraiment un encouragement aux membres de l'institution à déposer toutes leurs archives et à pouvoir les travailler, les retravailler, les partager avec les collègues, etc. Donc il y a eu le développement d'un outil spécifique par Laurent. Dans ce but-là, c'était aussi de pérenniser, sauver, archiver un maximum les données de terre. Il y a des projets un peu analogues, mais qui sont plutôt montés. Parce que Doucet était directeur de ce labo et chercheur lui-même. Mais il y a aussi des projets de documentalistes qui ont développé les archives des anthropologues ou archives des ethnologues. C'est le cas de notre documentaliste, Olesk, qui a fait un gros effort pour rapatrier les données de terrain des ethnologues. Elle a récupéré tout le fonds Griol, elle a récupéré tout le fonds, toute l'équipe de Griol, donc c'est plus large que Griol lui-même. Elle a maintenant des archives considérables. Et ça commence à être fait aussi au laboratoire d'anthropologie sociale. Et Klaus Amberger, notre collègue, là, était très soucieux de pouvoir trouver un format ou un système un peu analogue à celui d'OTSAS pour pouvoir archiver toutes les données des illustres noms d'anthropologie qui ont peuplé le LAS, que ce soit Lévi-Strauss, François Héritier et les autres. Et donc le corpus de François Héritier a été saisi d'une part, et puis il a été numérisé, les fiches ont été numérisées pour être archivées. Voilà, c'est un mouvement qui commence à s'amorcer, quoi. Il y aura aussi un point, c'est à la fin de l'ANR, parce que qui va supporter, quelle institution va supporter la plateforme. Donc en l'état actuel, c'est du fait de l'arrivée de l'université fermée de l'OLAS, on a une personne qui peut aussi gérer l'aspect informatique, mais pour le projet des inventaires, il y aura sûrement une discussion à ce niveau-là, au terme du projet. J'imagine qu'un des enjeux, c'est aussi d'éviter le morcellement des dépôts, la balkanisation sur des serveurs. C'est ça. Voilà, il y a des enjeux aussi un peu particuliers. Laurent Doucet, lui, ils ont eu la stratégie de vouloir mettre ça sur des serveurs à l'étranger, sur lesquels les institutions ne pouvaient pas peser. Il y a Mike, notre collègue Mike Fisher, il est très intéressé à pouvoir mettre ces données hors d'Angleterre. Donc les mettre chez nous. C'est une des choses qu'il apprécie beaucoup, parce qu'il n'a pas confiance dans l'évolution du paysage institutionnel britannique. Il veut mettre ses archives dans un endroit qu'il juge plus sûr. En même temps, si une politique de licence est mise en place en amont au moment du dépôt et de la publication, la question est réglée. C'est-à-dire que, en fait, le régime juridique est peut-être défini à ce moment-là. Est-ce que vous avez. Après, il faut avoir l'autorisation de mettre la licence, la dite licence, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous avez envisagé avec Humanum pour l'archivage pérenne du contenu, pas de la plateforme? Parce que, du coup, j'imagine que vous êtes hébergé sur la grille de service d'Humanum. Pour la TEI, ils ont mis en place, avec le CINES, un travail d'archivage pérenne de la TEI qui est intéressant parce qu'il va utiliser le schéma ODD, qui est un des schémas, une documentation du fichier, pour valider les fichiers et garantir un cycle de conservation dans le temps des fichiers TEI et de leur intégrité. Ce serait intéressant qu'il y ait le même genre de choses, mais je ne sais pas. On a commencé, c'est plutôt Anne de Garcia Fernandez qui a discuté avec John Quand on a commencé, à monter cette affaire, c'était à Adonis. Et les interlocuteurs qu'on avait chez Adonis notre projet a été labellisé, accepté par Adonis, mais pour être hébergé et pas avec une garantie de pérennité. Donc la deuxième partie des prestations Adonis ne s'appliquait pas à notre projet. Depuis, je crois que Anne a repris le dossier et est en train de discuter avec eux, je ne sais pas où c'est. Est-ce que ça implique de définir un format? Est-ce que le CINES peut garantir que l'archivage d'un format connu, documentable et documenté? Du coup, moi je suis un peu surpris mais que vous n'ayez pas travaillé le format en amont pour construire la plateforme sur le format que vous pensiez en aval, en fait, comme un format de sortie. Ça me surprend. Mais je... Vous aviez sans doute un stock de données. Il y a plein de raisons. J'imagine que vous aviez un stock de données, plein d'autres choses. Donc, heureusement, on pourra automatiser la transformation, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'était pas la préoccupation première. C'est un peu l'héritage de l'histoire du projet, quoi. On a constitué ces données progressivement, et du coup, il y a une série de questions auxquelles qu'on n'avait absolument pas en tête quand les choses se sont mises en place, quoi. Si je comprends bien, le travail de formalisation, il s'est fait au niveau de la représentation des données et des relations, finalement. Et du coup, c'est ce qui a concentré tout le travail, si je comprends bien, le travail de modélisation, de formalisation à ce niveau-là, qui fait que la question du format, pour vous, a été assez secondaire dans du format pivot, en fait. Hein, c'est-à-dire, en quel format est-ce que les données sont stockées? C'est totalement secondaire. Ça l'est de moins en moins, j'imagine, maintenant, parce qu'il y a des nouvelles problématiques. Voilà. Mais au départ, c'est pas du tout important pour vous, en fait, si je comprends bien. Ouais. Alors que quand on compare avec la communauté TU, il me semble que c'est assez différent, non? J'ai l'impression que les relations sont suffisamment simples, sur des corpus après, une complexité terrible, mais suffisamment simples pour qu'elles soient transposables dans tous les schémas, qu'on puisse reprendre les anciens corpus et les transformer. C'est ça aussi. Oui, parce que visiblement, si c'est une base clé valeur, que j'ai l'impression, du coup, c'est des étapes de deux. Le minimum, après, bien sûr, il y a d'autres informations qui vont qualifier les attributs sur les individus, sur les relations, mais la base et la structure, c'est la même chose. Mais en même temps, parce que quand il y a des formats, par exemple, sur les relations personnes dans le web sémantique, comme friend of a friend. Dans quelle mesure ça pouvait pas être une extension de friend of a friend ou rentrer dans le web sémantique, je ne sais pas. Parce que finalement, la relation que vous décrivez, qui est, c'est celle d'un sujet. Hein. Oui, bien sûr. Alors, je suis un peu sensibilisé du point de vue en travaillant sur les réseaux. On a le GraphML, des choses comme ça qui existent. Ça vient aussi du fait que le développement, au départ, est parti de. De PUC et des travaux simplement sur les relations de parenté, tout simple, c'est l'essentiel. Donc tous les formats XML et trucs enrichis que maintenant utilisent les logiciels comme GFI ou ce genre de choses. Mais une des idées, c'est aussi d'arriver à justement associer les deux, enfin faire en sorte que ça fonctionne. Parce que ça serait considérablement un plus, par exemple, de proposer, de dire aux gens qu'ils saisissent leurs données, ils sont sûrs de les avoir sous un format, ils sont sûrs de les avoir sous un format texte XML libre, et ils sont sûrs de pouvoir les utiliser avec un logiciel réseau. Voilà, parce qu'on manipule les relations, les individus des relations, donc c'est un format plus les réseaux sont plus génériques que les réseaux généalogiques. Là, grâce à la dernière question, je viens pour la première fois d'imaginer ce que sera le web sémantique caché. Les données potentiellement extrêmement bien mises en relation liées à des prosopographies, disons, à des répertoires, et qui en même temps vont être cachées parce que ce sera derrière des droits d'utilisateur, potentiellement, et que ce sera accessible pour l'analyse à certaines personnes seulement. C'est compliqué parce que tu fais tout pour les relier et en même temps le but est que tout ne soit pas accessible. Alors, le but, c'est que ce soit avec les droits d'utilisateur, je veux dire, avec l'administration. C'est-à-dire qu'en ce anthropologie, tu traites des données qui sont sensibles. Oui, mais je l'ai compris, bien sûr. C'est ça, tu considères que les présidents de toutes les républiques du monde entier ne sont pas des données sensibles. D'accord, et tout le monde va l'utiliser. Mais à partir du moment où tu veux vraiment mettre en relation avec ces technologies-là des données sensibles, ça veut dire que... Je pense qu'effectivement, on confond souvent, comme il y a un confonding open data et web sémantique, on a tendance à perdre de vue que les technologies sémantiques n'impliquent pas forcément l'ouverture. Le projet du Centre Georges Pompidou virtuel, par exemple, il est basé sur les technologies des web sémantiques, mais pour le moment, il n'y a aucune donnée ouverte. Mm-hmm. Et c'est un modèle fermé qui parle entre lui, sur lui-même. C'est le web sémantique pur, mais c'est pas le projet porté par Tim Berners-Lee, effectivement. Et c'est assez marrant parce que c'est construit sur une logique du web où chacun peut être publié et donc mettre en connexion les choses avec l'hypertextualité. Mais en fait, c'est pas obligé. Je crois.